La jute oratoire des permanents de l'Union des travailleurs agricoles et des travailleurs agricoles, consacrée aux 56 ans du commencement de la direction de la révolution de Sangun du général Kim Jong-il, a eu lieu le 23 courant au Palais de la culture du peuple à Pyongyang, en présence du président du comité central de l'Union, des permanents de l'Union et des travailleurs agricoles de la ville de Pyongyang. Les participants à la jute ont exalté vivement les immortels exploits du général Kim Jong-il, qui a opéré les miracles et changements séculaires dans la confrontation anti-impérialiste et anti-américaine, ainsi que l'édification d'une puissance socialiste par son originale direction de la révolution fondée sur l'idée de Sun Gun.